Auditrice et auditeur, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, RGM Radio Gay Mozo. Gay Mozo, c'est un ruisseau, hein. Ça coule, ça s'en va, et puis bon. Avant, la radio, elle s'appelait Radio Trait d'Union, RTU, Trait d'Union. Ça, c'est pas bête, Trait d'Union, quand même, hein. Ça donne un sens à la radio. Eh oui, eh oui, eh oui. Tempus fugit, dirait l'autre, hein. Ben oui, sur les radios libres, on parle beaucoup en anglais, hein. Tempus fugit, errare humanum est, et perseverare satanum, dirait l'autre. Alors, en anglais toujours, bien sûr. Alors, le programme de ce soir, eh bien, le calendrier, bien sûr. Ensuite, calendrier des esclavages et des libérations, hein. Et ensuite, histoire, les grandes invasions. Des grandes invasions. Oh, c'est un passé très lointain, très très lointain. Aucune ressemblance avec le passé plus récent, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, etc., etc. Rien à voir. Hein. C'est des époques complètement différentes. Histoire, les grandes invasions. Alors, les îles britanniques ont été concernées, les Celtes, les Huns, les Germains, les Anglo-Saxons. Voilà. 3 minutes d'histoire. Et puis, les macronistes n'aiment ni la vérité, ni la démocratie. Ça, c'est méchant, celui qui a dit ça. Je sais pas qui c'est, mais c'est méchant. C'est méchant. Hein. Voilà. Ensuite, mobilisation, blocage, panique au gouvernement. Et puis, tu seras un homme, mon fils, dit par Grandcourt Malade. Et puis, en tournée africaine, incroyable dérapage de Macron. Il est bon. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient voté pour un personnage comme ça. Ouais, un personnage, un pays de 60 millions d'habitants, très très cultivé, très très moderne, très etc. qui a voté pour un individu comme ça. Bon, enfin bref, ils n'ont pas fait exprès, dirait l'autre. Hein. Face à la colère générale, Thomas Porcher Macron a très peur du blocage. Ah, oui, ça, il peut avoir peur. Le blocage, il est en train de se mettre en place dans tous les domaines, tous les domaines. Partout, on en a marre de ce type-là et de son équipe. Hein? Voilà. Et puis bon, une petite revue de presse et ce sera tout pour ce soir. Allez, bonne soirée. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 20 mars? Eh bien, le 20 mars 1793, en France, emprunt forcé d'un milliard sur les riches. 1793, en France, emprunt forcé d'un milliard sur les riches. Emprunt forcé d'un milliard sur les riches. Oui, c'était en 1793, hein. C'était en France, oui, mais en 1793. Oui. 1909, France. En Méru, des antigrévistes tentent d'empoisonner les haricots de la soupe communiste. Eh oui. Oh. 1911, hein. On va pas commenter, on va pas faire de la politique quand même, hein. Mais non. 1911, France. À Bar-sur-Aube, le comité central des vignerons rencontre les autorités. Un drapeau noir est hissé sur l'hôtel de ville. Quelques 8 000 personnes se rassemblent en criant « L'injustice fait des révoltés ». Le Champagne aux Champenois, la Prusse aux Prussiens, la fin justifie les moyens. La fin, FAIM. La fin justifie les moyens. Mais c'était en France, bien sûr, mais c'était en 1911. 1911, les Français, ils avaient du sang sous les ongles, hein? à ce temps-là. Ils n'auraient pas voté pour Macron, par exemple. Hein, ben non, il n'y avait pas la télévision à l'époque. Il n'y avait pas les journaux de matin, il n'y avait pas tout ça qui fait que le citoyen moyen, ben, il est tout juste moyen, hein, tout juste. 1919, Espagne. Le travail reprend à la canadienne société Puerta y Rega del Ebro après une victoire éclatante des ouvriers. Et ils obtiennent la journée de 8 heures, une hausse des salaires et le paiement des jours de grève. Alors, c'était en 1919 et c'était en Espagne. 1921, Allemagne, graves émeutes communistes en Allemagne centrale. Le gouvernement craint un putsch et réagit par le massacre des manifestants. Rien à voir avec la situation française, bien sûr. 1921, Allemagne. Hein, voilà, c'était les communistes qui faisaient une émeute, hein, oui. Rien à voir avec ce qu'ont fait les nazis après. Ah ben non. Hein. Ah non. 1926, Chine. Chiang Kai-shek organise un coup de force antisyndical et anticommuniste à Canton. Derrière le masque de révolutionnaire apparaît son vrai visage, celui d'un seigneur de guerre. Alors, Chiang Kai-shek, comment c'est déjà l'île de Taïwan, là, hein? Oui, alors, qu'est-ce qu'on va en penser de l'île de Taïwan, hein? Et Chiang Kai-shek, hein? Oh, rien à voir avec la situation actuelle, bien sûr. Non, ce serait faire de la politique. Réfléchir, c'est faire de la politique. Et c'est pas bien vu. Le chef, il veut pas. Le chef, il est le seul à réfléchir, voilà. Les subordonnés, ils obéissent. Ils font pas de la politique, ils réfléchissent pas. Les subordonnés. Voilà. 1927, Chine. 300 délégués des syndicats et de divers groupements de classe moyenne élisent un comité provisoire de 31 membres. Syndicalistes, membres du Kuomintang, de Chiang Kai-shek, hein, communistes, Mao Zedong, membres de la petite bourgeoisie. Ils prennent contact avec Chiang Kai-shek qui est aux portes de Shanghai. Celui-ci refuse tout soutien à l'insurrection et va traiter avec l'étranger. Alors, certaines positions de Xi Jinping sont peut-être plus compréhensibles si on sait ça, si on cherche à savoir des choses comme ça. Si on cherche à savoir la vraie vérité. 1930, Cuba, la Confédération nationale des ouvriers cubains organise une première grève générale contre la dictature du général Machado. 1939, France. Des décrets-lois continuent l'érosion des acquis du Front populaire. France. 1939, hein, faut pas confondre avec cette année, c'était en 1939, c'est du passé. Les entreprises travaillant pour la défense nationale feront 60 heures par semaine. Ah, vous voyez, il faut travailler plus, hein, il a dit l'autre machin. 1950, Canada, lettre pastorale collective de l'épiscopat de la province de Québec sur le problème ouvrier. Ah. Qu'est-ce que c'est? Elle proclame la liberté d'association et de négociation. Oh! 1956, Tunisie, proclamation de l'indépendance. Pendant que Tunis est en fête, la guerre civile fait rage dans les campagnes. 1957, France, suite à ces articles de Jean-Jacques Servan-Schreiber, vous vous rappelez? JJSS. SS. Racistas. Un débat public sur l'utilisation de la torture en Algérie est ouvert. À 1967, France, après 3 semaines de grève, lockout à Saint-Nazaire chez Penouet. Les ouvriers se joignent aux employés. 1972, Espagne, fin de la grève à l'entreprise de construction navale de Bazan. Les 6000 ouvriers reprennent le travail. On déplore 2 morts. Et 22 blessés. 230 ouvriers passeront en jugement. 54 subiront des amendes. Les licenciements seront nombreux. 1973, Grèce. Nouvelle occupation de la faculté de droit par les étudiants. La police envahit le bâtiment. Il y a de nombreux blessés. 1981, France. Déménagement

Ils ont troqué leur colmao et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur colmao pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. À quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux cons. Dans cet épisode, on s'offre un ultime voyage dans les recoins brumeux des îles britanniques que l'Empire a pratiquement abandonné. Depuis le départ des légions en 407, les pauvres brito-romains sont obligés de se défendre tout seuls. Ça attaque de tous côtés, d'Irlande, d'Écosse et de Germanie. Pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut savoir que les villes romaines se cantonnent essentiellement dans les plaines de l'Est. À l'Ouest, c'est encore un pays très rural, habité par des Celtes qu'on appelle les Bretons. Rome n'étant plus capable de les protéger, ces Bretons fondent très vite des royaumes celtiques qui organisent eux-mêmes la résistance. À l'est, la Bretagne romaine subsiste dans une ambiance de fin du monde. Les raids venus du continent ne cessent de s'amplifier, et là encore, l'expansion des Huns n'est pas étrangère à ce raz-de-marée. Les Germains s'enfuient de proche en proche jusqu'à venir buter contre la mer du Nord. Ça crée une surpression dont on ne peut s'échapper que par bateau. C'est comme une vision prémonitoire des futures migrations vikings. Du sud au nord, on rencontre les Frisons, les Saxons, les Angles et les Jutes. Ces peuples comprennent très vite que la Bretagne abandonnée constitue le meilleur des refuges, et ils s'y taillent des chasses gardées. Basiquement, les Saxons s'installent au sud alors que les Angles s'installent au nord. La Bretagne romaine finit par disparaître corps et âme. Peu à peu, l'Angleterre est en train de devenir anglo-saxonne. C'est une vraie rupture. La culture romano-celtique va céder place à la culture germanique. À l'ouest, par contre, les Bretons parviennent à tenir leur ligne, mais ça se fait pas sans douleur. On y trouve plein de paysans qui cherchent à fuir. Forcément, quand on habite sur une île, c'est problématique. Or, juste en face, l'Armorique est mollement tenue par les Romains. Beaucoup de Bretons prennent la mer pour s'y installer. Forcément, l'Armorique surpeuplée se met à étouffer. Les troubles gagnent très vite la vallée de la Loire, qui devient le principal foyer des Bagaudes. Les années passent et la situation sur l'île ne cesse de s'aggraver. Les rois eux-mêmes prennent la mer pour fonder de nouveaux royaumes sur le continent. Les Romains perdent tout contrôle sur l'Armorique, qui entre de plein pied dans le réseau des royaumes bretons étendus de part et d'autre de la Manche. C'est une époque incroyable. Le latin est peu à peu submergé par la langue celtique qui deviendra le breton. L'Armorique est en train de devenir la Bretagne. Mais dans le même temps, le christianisme continue de progresser aux dépens du druidisme celtique. Plus que nulle part ailleurs, on se trouve à la croisée de plusieurs civilisations. C'est l'époque mythique du roi Arthur, celle de Merlin, de Lancelot et de Perceval. Partout, les gens cherchent leur Graal en cet âge où tout s'effondre. Alors bien sûr, tout s'est pas fait en un jour. L'air de rien, on se retrouve déjà à la fin du 5e siècle, à l'époque où l'Empire romain d'Occident s'est effondré. Après cette petite parenthèse, dans le prochain épisode, on va revenir à l'endroit où on a laissé nos Romains en l'an 429. C'est l'année où les Vandales vont vraiment entrer dans l'histoire. Un beau matin, clair comme un cristal,

La démocratie, c'est l'attachement à la vérité. Nous allons revenir tout à l'heure sur ces propos, mais commençons par ouvrir une parenthèse un peu longue pour observer que 24 heures après cette proclamation de sa première ministre, Emmanuel Macron, président de la République, a quant à lui déclaré le 15 février que les oppositions qui lui font l'affront s'opposer à sa réforme des retraites n'avaient, je cite encore, plus de boussole et qu'elles étaient totalement perdues. Cette déclaration est intéressante parce qu'elle démontre que si on se réfère à la définition de la démocratie produite la veille par Elisabeth Borne, Emmanuel Macron n'est que très modérément démocrate, puisque ses propos, loin de témoigner d'un quelconque attachement à la vérité ou d'un respect de chacun, sont au contraire, et sans véritable surprise, faux et irrespectueux. Car en réalité, contrairement à ce qu'il affirme, les oppositions que le chef de l'État français accable ainsi de son incommensurable mépris ne sont pas du tout perdues. Bien au contraire, les élus de ces oppositions font très exactement ce pour quoi ils ont été élus. La DSS, ce matin, en me donnant ces informations, m'a indiqué qu'elles vous avaient été transmises à la mi-janvier et certainement pas avant-hier soir. Donc je repose ma question, les yeux dans les yeux, vous avez dit « j'ai eu des prévisions transmises hier ». Pouvez-vous nous dire quelle administration et quand vous a transmis les prévisions à l'appui desquelles vous indiquez que ce sera 40 000 personnes ? Ils font très exactement ce que les électeurs qui les ont chargés de les représenter au Parlement sont en droit d'attendre. Ils s'opposent à une réforme des retraites à laquelle les Français qu'ils représentent sont eux aussi très majoritairement opposés. Chers collègues, j'aimerais partager avec vous des témoignages de travailleuses en souffrance, en espérant que vous entendez comme moi je les attends. Sylvie, qui travaille comme femme de ménage, me dit « Rachel, j'ai 57 ans, je ne sais même pas si je tiendrai jusqu'à 60 ans. » Nadia, qui est aide-soignante, me dit « Je dois aider les gens, mais avec 2 années de plus, qui va m'aider ?» Au passage, on relèvera que lorsqu'il fustige les oppositions, au pluriel, Macron amalgame une fois encore la gauche et l'extrême droite, en dédiabolisant une fois de plus la seconde pour mieux diaboliser la première. Surtout, on remarquera que c'est le chef de l'État lui-même qui n'a plus de boussole. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ? Qui peut lever la main ? Personne, parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. En d'autres termes, et selon un procédé relativement classique, il impute ses propres manquements à ses opposants. Car l'an dernier, rappelons-nous, il s'était publiquement fixé un cap immédiatement après sa réélection. Au soir du 24 avril 2022, il avait pris l'engagement que pendant son nouveau quinquennat, personne, cette fois-ci, ne serait laissé au bord du chemin et qu'il travaillerait toutes ses forces pour cette unité. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Alors il nous reviendra ensemble, d'œuvrer à cette unité par laquelle seul nous pourrons vivre plus heureux en France et relever les défis qui nous attendent. Quelques jours plus tard, dans son discours d'investiture du 7 mai 2022, il avait ensuite promis d'agir pour construire des progrès pour chacun et d'œuvrer à l'égalité entre les hommes et les femmes. Agir pour continuer de construire des progrès pour chacun et œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il avait promis ce jour-là que son action, durant son second et dernier mandat, serait constamment placé sous le signe du rassemblement, du respect, de la considération, de l'association de tous. Il avait promis de rassembler et de pacifier, expliquant pour finir que ce sera là le fondement de la renaissance démocratique dont notre pays a besoin. 10 mois plus tard, est-ce que nous pouvons dire qu'Emmanuel Macron a bien suivi la direction que lui indiquait alors sa boussole ? Est-ce qu'il a tenu sa promesse de n'abandonner personne, de rassembler et de pacifier ? Bien au contraire, en concoctant une réforme des retraites très défavorable aux femmes, aux ouvriers et aux employés, il nous a très clairement signifié qu'il allait notamment laisser au bord du chemin les femmes auxquelles il avait promis plus d'égalité. Œuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes. En répétant ensuite, semaine après semaine, qu'il restait déterminé à mener à son terme cette réforme dont 70% des Français ne veulent pas, il achetait dans les rues des millions de manifestants. sommes donc très très loin des progrès, du rassemblement et de la pacification qu'il avait promis au soir de sa réélection. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Revenons maintenant au tweet d'Elisabeth Borne, pour qui la démocratie se construit donc par le respect et par la vérité. Ça aussi, c'est intéressant. La démocratie, c'est le refus de l'outrance et l'attachement à la vérité. Car là aussi, il y a un immense décalage entre ce qui est dit et la triste réalité d'une pratique autoritaire du pouvoir. Depuis des mois, en effet, et pour défendre eux aussi une réforme présentée comme un projet de justice, d'équilibre et de progrès, inévitable et nécessaire, la Première ministre et les membres de son gouvernement nous ont menti comme des arracheurs de dents, en postulant que nous n'y verrions que du feu, idiots que nous sommes. You stupid son of a bitch. Répétons-le encore une fois, lorsqu'il récite en chœur, aujourd'hui encore, que cette réforme est le seul moyen de sauver notre système de retraite, c'est un gigantesque double mensonge. D'abord parce que ce système, contrairement à ce qu'ils prétendent, et comme ne cessent de le rappeler les syndicats, preuve à l'appui, n'est pas le moins du monde menacé. Selon le Conseil d'orientation des retraites, il est actuellement bénéficiaire, et dans le pire des scénarios envisagés par cette instance, il sera toujours à l'équilibre en 2070. Ensuite, parce que même en admettant l'hypothèse gouvernementale selon laquelle il serait bientôt mis en péril par un prétendu déficit estimé à 12 milliards d'euros, il serait extrêmement simple de financer ce système sans pénaliser les salariés en les obligeant à cotiser et à travailler plus longtemps. Il suffirait pour cela de supprimer par exemple les exonérations de cotisations sociales consenties au patronat. Pour les caisses de retraite, en effet, le manque à gagner lié à ces exemptions s'est élevé pour la seule année 2022 à la bagatelle de 17 milliards d'euros. Autre exemple sur lequel il faut aussi revenir, pour mieux nous vendre leur réforme, les macronistes nous ont d'abord promis que des millions de retraités allaient obtenir une retraite minimale de 1200 euros brut et ils nous ont présenté ça comme une espèce de merveilleux cadeau. Le 11 janvier dernier, par exemple, Olivier Véran claironnait, comme l'a récemment rappelé Le Monde, que cette mesure allait profiter à 2 millions de retraités actuels. Le chiffre est impressionnant. Brut ou net. Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, donc c'est pas un risque mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1200 euros verront leur retraite majorée à 1200 euros brut par mois. Mais là aussi, c'était un double mensonge. D'abord parce que ces 1200 euros bruts correspondent dans le meilleur des cas à une pension de retraite d'un montant de 1150 euros net. Comme on l'a déjà dit dans cette chronique, le seuil de pauvreté, qui est fixé par convention à 60% du niveau de vie médian de la population, correspond en France à un revenu disponible de 1102 euros par mois pour une personne vivant seule. Par conséquent, lorsque le gouvernement promettait une retraite minimale de 1200 euros bruts pour tous, il promettait en réalité une fin de vie faite de privations après une vie passée à travailler pour des salaires de misère. Il n'y a pas de pension minimale à 1200 euros dans la réforme. Vous êtes sûr de ça ? Le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1200 bruts pour tout le monde. Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. C'est complètement faux. On aura toujours au moins une personne sur quatre qui sera sous les 1200 euros très nettement. C'est quoi ce chiffre de 1200 euros ? D'où il sort ? C'est un objectif, c'est-à-dire, compte tenu de la revalorisation de quelques dizaines d'euros par mois, une personne fictive qui aurait passé toute sa vie au SMIC à temps plein, on espère qu'elle se rapprocherait de 1200 euros qu'un objectif. Mais surtout, et comme l'a implacablement démontré l'économiste Michaël Zemmour, même cette promesse était fausse et mensongère. Mais s'il y a une carrière complète, vous êtes d'accord de dire que c'est 1200 euros. Si non, vous avez votre non, carrière complète. Je vous assure que non. Il y aurait une mesure qui aurait permis de faire ça. Ça aurait été de dire, on garantit un minimum de 1200 euros quand vous avez une carrière complète. C'est pas la mesure qui a été choisie par le gouvernement. Le gouvernement revalorise la pension de base jusqu'à 100 euros et on verra combien ça vous fait. Si vous aviez 1100 euros, ça vous fera peut-être 1200. Si vous aviez 1000, ça vous fera 1100 maximum. Car dans la réalité, seule une minorité de retraités pourra éventuellement compter sur cette somme. La démocratie, c'est le refus de l'outrance et l'attachement à la vérité. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a finalement dû concéder, contraint et forcé, que la mesure dont Olivier Véran garantissait qu'elle concernerait 2 millions de retraités intéresserait plutôt 40 000 personnes, grand maximum. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Ce qui signifie que là encore, beaucoup de gens seront laissés au bord du chemin et ne bénéficieront même pas d'une pension leur permettant de se hisser dans le meilleur des cas 48 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a donc menti aussi, quelle surprise, sur ce qu'il présentait comme un atout décisif de sa réforme des retraites. En somme, ce gouvernement dont la chef proclame son attachement à la vérité multiplie depuis des mois les contre-vérités sur la véritable nature de sa réforme des retraites. Ce gouvernement dont la chef lance de grands appels au respect d'autrui et à la démocratie bafoue les oppositions

le grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Si on fait une réforme comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage. C'est pas correct. Qu'il n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. Cette chronique est toujours enregistrée un peu à l'avance. Et cette fois-ci, en prévision des grèves contre la réforme des retraites qui doivent débuter cette semaine, elle est enregistrée un peu plus tôt encore. On ne sait donc pas si ces grèves seront très suivies et on ne sait pas non plus s'il y aura du monde à la grande manifestation du 7 mars et plus si affinité contre cette même réforme. C'est une nouvelle journée, mais ça va être la plus forte depuis le 19 janvier. Mais il est permis de supposer que la mobilisation va être très très très massive parce que manifestement, les membres du gouvernement, qui ont dû prendre connaissance de quelques prévisions policières, sont en panique. Depuis quelques jours, en effet, ils ne se contentent plus de répéter jusqu'à la nausée les mêmes mensonges qu'ils débitent depuis des semaines pour justifier cette réforme. Ils essaient aussi, désespérément, de discréditer les syndicats qui ont donc lancé pour le 7 mars un préavis de grève reconductible et qui se disent prêts désormais à bloquer le pays. Non par plaisir, évidemment, mais parce que le président de la République, Emmanuel Macron, et ses ministres, murés dans leur autoritarisme, ne leur laissent aucun autre choix. Moi, ce que je dis, c'est que cette réforme, encore une fois, parce qu'elle est nécessaire, elle sera adoptée. Il faut rappeler, avant de se pencher d'un peu plus près sur les propos extravagants de certains membres du gouvernement, et parce que cette petite parenthèse nous permettra de dresser au passage un constat édifiant, qu'il n'y a presque plus que deux catégories de Français qui se disent favorables à cette réforme, rejetée par plus de 70% de la population de ce pays. Il s'agit d'abord évidemment des macronistes, qui n'ont aucune intention de tenir compte de l'avis de cette écrasante majorité, parce que la démocratie, ça va bien deux secondes, mais faut pas non plus en abuser. Et il s'agit d'autre part des seuls alliés dont Elisabeth Borne a pu obtenir le soutien, les Républicains. Or, et c'est ici que le constat, même s'il nous éloigne un peu du sujet des retraites, devient intéressant, le président des Républicains est le député Éric Ciotti, qui se disait tout à fait prêt, avant la dernière élection présidentielle, à voter pour un candidat d'extrême droite, plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale et religieuse, et adepte de la fantasmagorie complotiste et raciste du grand remplacement. Entre Macron et Zemmour, mais je le dis, je préfère Zemmour. Il n'y a pas de difficulté pour moi. Voilà, et je dis, aujourd'hui, je récuse ceux qui, même dans ma famille politique, ont pris Éric Zemmour pour cible. Je ne crois pas que ça soit la bonne méthode. Et quand Bruno Retailleau, président du groupe des Républicains au Sénat, déclare de son côté que notre régime de retraite par répartition est un régime démographique et qu'il choisit une politique familiale plutôt que l'immigration pour y répondre, il tient exactement les mêmes propos que le président du Rassemblement national. Encore une fois, le régime par répartition, c'est un régime intergénérationnel, où on doit trouver un équilibre entre ceux qui cotisent, les actifs, et ceux qui ne cotisent plus, ceux qui sont pensionnés. C'est donc un régime démographique. Il l'assume d'ailleurs parfaitement. Il a presque l'air d'en être assez fier. Vous faites le lien avec l'immigration, je vous ai entendu dire. C'est ça ou l'immigration. Mais bien sûr. Du mal à comprendre. Je vais vous dire, monsieur Delevoye, à l'époque, haut commissaire, aux retraites, lui avait très bien compris. En 2019, qu'est-ce qu'il explique? Il dit, voilà, on a un problème de démographie. Donc, s'il n'y a pas plus d'enfants, il faudra qu'en Europe, on ait 50 millions de plus d'immigrés en 2050. Pour mieux imposer sa réforme des retraites, Emmanuel Macron, qui depuis des semaines essaie désespérément de nous faire croire qu'il doit notamment sa réélection de 2022 au fait qu'il avait promis de réformer les retraites, alors que la seule et unique raison pour laquelle il a été réélu était qu'il avait promis de faire barrage aux idées d'extrême droite, a donc conclu un pacte d'alliance avec une droite dite républicaine qui porte exactement les mêmes idées. Le troisième principe, c'est le lancement d'une grande politique nataliste. Qui peut croire qu'une réforme qui ignore la relance de la natalité peut être crédible, alors même qu'il s'agit du fondement du système par répartition? Refermons maintenant cette parenthèse et revenons à l'espèce de frénésie qui s'est emparée de certains membres du gouvernement d'Elisabeth Borne depuis qu'ils ont compris, semble-t-il, que l'appel à la grève lancé par les syndicats risquait d'être massivement suivi. C'est l'excellent monsieur Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole de ce gouvernement, qui a ouvert le bal. Au mois de janvier dernier, rappelons-nous, il affichait à la sortie du Conseil des ministres une sérénité absolue. On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation, expliquait-il très tranquillement. Un mois et demi plus tard, le ton a changé. Aujourd'hui, il soutient plutôt que mettre la France à l'arrêt pourrait conduire, je cite, à une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. C'est tellement extravagant que le pauvre Olivier Dussopt, personne n'a craqué, personne n'a craqué, plombé par ses mensonges sur les retraites à 1200 euros, a dû voler au secours de son collègue porte-parole en expliquant dimanche dans Le Parisien et à grands coups de rame que ce qu'Olivier Véran a voulu dire, c'est que dans une période avec une inflation, une crise énergétique et une sortie de pandémie, le blocage n'est pas la bonne solution. Car désormais, tous les membres du gouvernement, à commencer par Elisabeth Borne elle-même, dénoncent en chœur un blocage du pays qui serait, assure-t-il, une catastrophe pour les salariés les plus pauvres. C'est Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, qui a le mieux synthétisé cette propagande en expliquant d'abord le 4 mars, dans une remarquable prétérition, ce procédé rhétorique consistant à faire croire qu'on ne va pas parler d'une chose alors qu'on s'apprête à en parler, qu'il respectait bien évidemment le droit de grève et le droit syndical, car c'est constitutionnel. Moi je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel. Avant d'ajouter, maintenant j'appelle à deux choses. J'appelle à la responsabilité. Et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie ou d'une forme d'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. C'est-à-dire les Français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER, leur voiture pour aller travailler. Reconnaissons-le, c'est toujours un plaisir d'entendre le macroniste Gabriel Attal parler d'hypocrisie. Surtout lorsqu'il s'apprête, du haut de son patrimoine d'1,6 million d'euros, à donner son avis sur ceux qui triment, après avoir fait toute sa carrière dans des ministères. Ceci posé, essayons de rétablir quelques vérités. Contrairement à ce que prétend Olivier Véran, par exemple, ce ne sont bien sûr pas les salariés en grève qui risquent de provoquer une catastrophe écologique. Cette catastrophe est en cours et les macronistes ne font rien pour l'empêcher. Au contraire, ils n'ont cessé depuis des années de multiplier les atteintes à la biodiversité en accordant par exemple aux betteraviers français des dérogations leur permettant de continuer à utiliser des néonicotinoïdes, ou en continuant à exporter, vers le Brésil notamment, des milliers de tonnes de pesticides interdits en raison de leur extrême toxicité. D'autre part, comme on sait, la France ne respecte pas ses engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Elle contribue donc activement à la catastrophe écologique en cours que le porte-parole d'Elisabeth Borne, manifestement insensible à la honte, veut imputer aux salariés qui en sont les premières victimes. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Gabriel Attal, ce ne sont bien sûr pas les grévistes qui menacent ceux qui triment. D'abord pour la raison évidente, mais qui n'a, semble-t-il, pas du tout effleuré ce subtil propagandiste, que ceux qui se mettent en grève sont précisément ceux qui triment. On a rarement vu leur patron déposer un préavis. Ensuite, parce que si quelqu'un menace effectivement et très directement ceux qui triment pour un salaire de misère, c'est bien évidemment Emmanuel Macron, dont la réforme les obligera à trimer 2 ans de plus, pour pouvoir bénéficier, dans le meilleur des cas, d'une retraite d'un montant correspondant à quelques petites dizaines d'euros près au seuil de pauvreté. Enfin, et c'est peut-être le principal mensonge des macronistes, ce ne sont bien évidemment pas les grévistes que Gabriel Attal traite si brutalement d'hypocrites et d'irresponsables qui seront responsables d'un éventuel blocage de l'économie française. C'est bien évidemment le gouvernement qui portera l'entière responsabilité de ce blocage pour avoir obstinément refusé d'écouter les responsables syndicaux qui depuis des mois le supplie vainement de renoncer à une réforme que plus des deux tiers des Français rejettent catégoriquement, car ils savent pertinemment que contrairement à ce que soutiennent Emmanuel Macron et ses ministres, elle n'est ni juste ni nécessaire. Redisons pour finir que la grève est un droit et qu'il n'y a que dans les dictatures que ce droit est attaqué ou supprimé, comme ce fut notamment le cas dans le Chili de Pinochet. La grève a effectivement pour objectif d'entraver l'économie. C'est même très exactement pour ça qu'elle a été inventée. Bah oui, finalement. Car ce n'est que par ce moyen ultime qu'une population qui a épuisé toutes ses autres voies de recours peut espérer être enfin entendue lorsqu'un gouvernement refuse obstinément de l'écouter. Quand ceux qui triment se mettent en grève, ils exercent donc un droit élémentaire. Bah oui, finalement. Ils le font en tout dernier recours et jamais de gaieté de cœur, pour l'excellente raison que cela leur coûte énormément. Parce que chaque jour de grève est un jour qui ne leur est pas payé, et parce qu'ils ne disposent bien sûr pas du très considérable patrimoine d'un Gabriel Attal, ministre millionnaire. Fatality. La grève, il faut le répéter, est l'ultime ressource des salariés lorsqu'un pouvoir qui s'apprête à leur faire un très mauvais coup refuse catégoriquement d'écouter leurs protestations. En 2007, un jeune interne des hôpitaux le disait d'ailleurs très bien sur France 3. Le problème pour qu'on en arrive à faire grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Qu'est-ce que dit le ministre de la Santé à ce jeune interne ce soir ? Ce dangereux agitateur s'appelait Olivier Véran. Il ne devinait sans doute pas à l'époque qu'il serait 16 ans plus tard l'un de ces jusqu'au boutistes dont il déplorait si justement qu'il contraigne des salariés à se mettre en grève et à sacrifier une partie de leur salaire pour espérer se faire enfin entendre. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé ? Les dernières fois où j'ai rendu visite à Vincent, par cœur, il m'a dit ce merveilleux texte que vous connaissez sans doute. Un texte de Rudyard Kipling, en rajoutant « Mon rêve serait que tous les enfants du monde apprennent ce texte par cœur, qu'il entre dans toutes les maisons du monde. » Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties. Sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être forza. Et sempre tenerezza. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Sente di odiato senza portarne odio. Et te sentant haï sans haïr à ton tour. E pur lutta e difenditi. Pourtant lutter et te défendre. Se tu puoi supportare disante e dobarule. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles. Travestite dai gorci per cum piace ai bazzi. Travesti par des gueux pour exciter des sots. Sente dante ugie le voci sceme. Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle. Senza du bugiarda una barulla sola. Sans mentir toi-même d'un seul mot. Se tu puoi ferma degno e popolare. Si tu peux rester digne en étant populaire. Se tu puoi ferma populo e consigliare re. Si tu peux rester peuple en conseillant les rois. Se tu puoi denegarmi d'amici come fratelli. Si tu peux aimer tous tes amis en frères. Senza che nessuno sia tutto per te. Sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Se tu sai riflettere, apri gli occhi e conosci. Si tu sais méditer, observer et connaître. Senza mai diventare onnisciente o distruttore. Sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Sunia, senza lasciar sogno essere un maestro. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Pensa, senza aver mai pensatore. Penser sans n'être qu'un penseur. Se tu puoi essere forte senza un palmo in rabbia. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Se tu sai essere buono, se tu sai essere sabio. Si tu sais être bon, si tu sais être sage. Senza pausa bientone. Sans être moral ni pédant. Se tu puoi rencontrare trionfo dopo la disfatta. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite. Riceve si bugiardi con gli stessi fronte. Et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Se tu puoi mantenere il cervello e coraggio. Si tu peux conserver ton courage et ta tête. Quando tutti gli altri perderanno. Quand tous les autres les perdront. Allora i re, i signori, la fortuna e la vittoria. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire. Saranno per sempre i tuoi schiavi sottomessi. Seront à tout jamais tes esclaves soumis. E meglio che i re, meglio che la gloria. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire. Sarai un uomo, figliolo. Tu seras un homme, mon fils. Sarai un uomo, figliolo. Tu seras un homme, mon fils. En fait, cette intervention-là, elle symbolise un naufrage. Non seulement le naufrage de cette tournée, mais le naufrage de la politique de la France en Afrique. C'est quand même assez hallucinant, cette schizophrénie incroyable qu'il y a eu pendant la tournée d'Emmanuel Macron, où d'un côté, on est allé dénoncer la France-Afrique en plein milieu du Gabon, où on va donner des leçons en République démocratique du Congo, alors que de l'autre côté du fleuve, il suffit de traverser le fleuve, au Congo-Brazzaville, on s'est lavé les mains et on a fait copain-copain avec Denis Sassou Nguesso. Salut Thomas. Salut Jamil. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Très bien, merci. Je crois que tu es venu nous parler d'un sujet qui nous est quitté complètement étranger. La France en Afrique, ou un plutôt petit peu. Emmanuel Macron, sa tournée africaine qui s'est achevée samedi en République démocratique du Congo. On fait donc un petit bilan ensemble. Mais mon Dieu, oui. Je m'attendais à un naufrage, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Lui, que Macron, quand il touche le fond, je crois qu'il peut creuser encore. Il y a encore du potentiel, c'est quand même assez incroyable. Et pourtant, il y a quelques jours, tout avait bien commencé. Au début de la semaine, il avait prêché un nouveau partenariat avec l'Afrique, un partenariat débarrassé des oripeaux de la France-Afrique, de l'arrogance, de l'ingérence. Il avait fait vœu d'une extrême humilité. Et puis, quelques jours après, il est parti au Gabon où, effectivement, il a donné des gages. Il disait qu'on passait d'un hard power à un soft power beaucoup plus doux, avec une coopération beaucoup plus renforcée dans les secteurs de la musique, du sport, etc. Bon, bref, on en est fini avec la France-Afrique à papa. On écoute un petit extrait du discours d'Emmanuel Macron devant la communauté française à Libreville, au Gabon. C'était il y a quelques jours. Notre histoire commune, ici, au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Et donc si je suis au milieu de vous aujourd'hui, avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et un peuple frère. Mes chers compatriotes, chers amis, nous savons à quel point entre le Gabon et la France, ces liens sont puissants, dynamiques, passionnés, créatifs, innovants, entreprenants et en constante recomposition. Et vous êtes les premiers artisans de cette relation. C'est beau, dis donc, on y croirait presque. Ouais, on y croirait presque, alors quand il annonce que l'époque de la France-Afrique est révolue. Sauf qu'il y a quand même un petit problème. Il va quand même faire son discours au Gabon, qui est le cœur de la France-Afrique. Alors, le Gabon est un très beau pays, mais c'est un peu le Mordor de la France-Afrique. Depuis 1967, il y a une famille qui règne sur ce pays-là, Omar Bongo, qui était un peu le parrain des relations troubles entre la France et l'Afrique, et qui, quand il est mort, a cédé la place à son fils Ali Bongo, qui, depuis 2018, est un peu diminué, mais qui, quand même, le clan règne sur le pays, malgré la maladie et l'AVC qu'a subi Ali Bongo en 2018. Et finalement, Emmanuel Macron n'est pas tant allé à Libreville, au Gabon, pour assister à un sommet sur les forêts, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a surtout donné sa caution au régime des Bongo, qui, quand même, il y a une élection présidentielle qui va se passer en 2023. Il faut se souvenir que les dernières élections présidentielles en 2016 avaient été très contestées. Ouais. L'opposition avait gagné les élections. Non seulement le pouvoir en place, hein, le pouvoir de Ali Bongo l'avait pas reconnu, mais ils avaient fait envahir le QG de l'opposition, faisant plusieurs dizaines de morts. Et même l'Union européenne avait dénoncé un manque de transparence. Mais la France, comme c'est l'allié traditionnel du Gabon, s'était tue, avait avalisé les élections. Et même, on a continué à déverser de l'argent sur ce pays-là, en sachant que les élites sont totalement corrompues, et le pouvoir est totalement corrompu. Il y a une enquête sur des biens mal acquis par le clan au pouvoir gabonais ici en France. Mais malgré ça, l'Agence française de développement a déversé des tonnes d'argent, un pognon de dingue sur le Gabon, 800 millions d'euros entre 2010 et 2017. Je ne sais pas trop à quoi ça a servi. Normalement, ça aurait notamment dû servir à construire des écoles, mais peut-être que ça, à mon avis, servi à directement dans la poche des dirigeants. Alors qu'en fait, le Gabon est richissime et pourrait très bien s'en sortir par lui-même, avec ses ressources en pétrole qui pourraient très bien suffire à un peu plus de 2 millions d'habitants. Donc bref, aller annoncer la fin de la France-Afrique chez un dictateur qui symbolise de la France-Afrique, c'est quand même un peu fort de café. Et en plus, c'est pas la première fois qu'on raconte qu'on va mettre fin à la France-Afrique. On se souvient qu'en 2008, il y avait un secrétaire d'État qui s'appelait Jean-Marie Le Bockel, qui était secrétaire d'État à la coopération, qui avait eu le malheur de demander à son président, à l'époque, à Nicolas Sarkozy, de tenir ses engagements de campagne présidentielle et de mettre vraiment fin à la France-Afrique. Sauf que ça n'avait pas du tout plu au Gabon, qui avait demandé à Nicolas Sarkozy de renvoyer donc un secrétaire d'État français, et Nicolas Sarkozy avait obéi. Il avait même envoyé Claude Guéant, qui était son secrétaire général de l'Élysée, aller faire amende honorable, aller à Canossa jusqu'à Libreville pour s'excuser devant Omar Bongo. Donc finalement, c'est pas nouveau ce refrain, sauf qu'en fait, ce n'est jamais suivi des faits. On se souvient qu'en 2017, Emmanuel Macron, lors d'un discours à Ouagadougou, à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, avait déjà dit « Vous savez, je suis d'une génération, on ne dit pas à l'Afrique ce qu'elle doit faire », sauf qu'en fait, absolument rien n'a changé et on continue à donner des leçons paternalistes et à maintenir un système de domination, que ce soit par les bases militaires ou même le franc CFA qui reste, en tout cas pour l'Afrique centrale, géré par le Trésor français. Tout à fait. D'ailleurs, la France, à travers Emmanuel Macron, ne s'est pas arrêtée au Gabon, puisqu'en un peu plus de 48 heures, elle a visité 3 autres pays du continent. Oui, alors il a fait un petit tour de l'Afrique centrale, c'était vraiment express, il est allé en Angola, où il a dit, moi je vais parler d'agriculture. Hein. Comme il est allé au Gabon, il a dit, moi je vais parler de forêt, sauf que derrière, il y a quand même d'autres enjeux. L'Angola, c'est quand même le premier producteur de pétrole africain, à touche-touche avec le Nigeria, qui a longtemps été un allié historique des Russes, qui se rapproche d'autres pays, qui a beaucoup d'investissements en Europe, notamment au Portugal. Et en Angola, les grandes majors pétrolières se pressent, notamment Total, qui exploite déjà des gisements en Angola. Et Emmanuel Macron a emmené dans ses valises un représentant de Total, selon France Inter. Et il y a des chefs d'entreprise qui étaient là, parce que en Angola, il y a des intérêts français, notamment Castel. On l'oublie souvent, mais c'est un brasseur qui est présent dans plein de pays africains et qui fait des milliards de bénéfices. Ensuite, Emmanuel Macron s'est rendu au Congo-Brazzaville, où là aussi, c'est vraiment un symbole de la France-Afrique dans tout ce qu'elle a de plus ancien, de plus sanguinaire, avec le président Denis Sassou Nguesso, dictateur patenté, qui est au pouvoir depuis 1979, avec une petite interruption, et à qui Emmanuel Macron est allé claquer la bise juste avant de se rendre à Kinshasa. Et il a fini par la RDC, la République démocratique du Congo, qui, on le sait, est un pays, on en a parlé plusieurs fois ici, qui a une tragédie immense depuis 2016. Oui, t'as raison. Tu vas voir qu'il était en total freestyle, Emmanuel Macron. Là, je pense qu'il était au bout du rouleau. Mais avant ça, il faut peut-être effectivement, comme tu le disais, replacer le contexte. Ouais. La République démocratique du Congo, c'est un immense pays. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un peu plus de 100 millions d'habitants. Et il y avait une phrase du célèbre penseur Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Le Zaïre, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ça s'est vérifié au cours des années, puisque depuis 1996, il y a une guerre interminable, sanglante, ouais, dramatique, qui se déroule à l'est du pays, avec des ingérences des pays voisins aussi, oui, mais des ingérences aussi américaines, parce qu'il y a une volonté d'exploiter les ressources minières, parce que ce qui fait malheureusement le malheur du Congo, c'est la richesse de son sous-sol, le cuivre, l'argent, le coltan qui sert à fabriquer nos ordinateurs et nos téléphones portables. Et évidemment, il y a des intérêts miniers absolument énormes, que ce soit américains, chinois, israéliens, etc., etc. Et donc, forcément, ces intérêts miniers poussent tantôt le gouvernement, tantôt certaines rébellions. Et effectivement, en ce moment, à l'est du Congo, il y a quelque chose qui mobilise l'opinion congolaise, parce qu'il y a un drame qui survient, à savoir, il y a une rébellion qui est en phase de résurgence, s'appelle le M23, qui n'est pas seulement une rébellion, mais puisqu'elle est soutenue par un petit pays qui est voisin de la République démocratique du Congo, qui s'appelle le Rwanda. Et face à ça, face à cette attaque de rébellion et aux crimes qui sont commis, ben, finalement, le régime congolais a du mal à faire face. Il y a aussi des casques bleus qui sont là, il y a plus, presque 20 000 casques bleus qui sont présents en République démocratique du Congo, mais qui n'arrivent à rien faire. Donc, bon, la France, dans tout ça, elle ne joue pas forcément un très grand rôle. Il faut se souvenir que c'est une ancienne colonie belge qui a même été propriété personnel de roi Léopold II et dans lequel les Belges ont commis des crimes. On se souvient des centaines de milliers de mains coupées. Donc bon, la France, c'est pas la République démocratique du Congo, c'est pas le cœur de la France-Afrique. Mais des fois, comme la France aime bien se mêler de tout et surtout de ce qui ne la regarde pas, ben notre ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et qui était ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron, s'est fendu de déclarations un peu lunaires. On regarde ça. C'était la première fois qu'un opposant était déclaré vainqueur d'une présidentielle en République démocratique du Congo. Mais aussitôt les résultats de l'élection du 30 décembre prononcés, la victoire de Félix Tshisekedi a été contestée. Son principal rival, Martin Fayoulou, dénonce un putsch électoral et la France semble lui donner raison. Il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Donc, les observateurs de l'Église catholique avaient en effet déclaré le 4 janvier connaître le nom du vainqueur, sans le nommer. À la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi, des violences ont aussitôt éclaté. La France appelle au calme et au respect du résultat des urnes. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats, qui sont inverses à ceux que l'on imaginait et à ceux qui étaient avancés. Parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant. Les résultats de l'élection peuvent encore être contestés devant la Cour constitutionnelle. La prestation de serment du nouveau président doit avoir lieu le 18 janvier. On a vu là Le Drian un poil paternaliste dans son discours. Alors c'est quand même assez hallucinant, parce que la France a cautionné tellement d'élections truquées en Afrique parce que ça nous arrangeait, c'était nos copains qui bourraient les urnes, que là tout d'un coup il y a Jean-Yves Le Drian qui s'était levé, c'était en 2018 à l'occasion de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La France effectivement, comme tu as pu le voir, avait une petite préférence pour Martin Fayoulou, et donc les propos ont été très très mal pris en République démocratique du Congo, même si effectivement il y avait des suspicions sur le résultat de l'élection. Il n'en reste pas moins que Le Drian a persisté dans des déclarations complètement hallucinantes et paternalistes en disant quelques mois plus tard, alors que Tshisekedi avait pris le pouvoir et s'était installé à la présidence congolaise, Le Drian avait parlé que si l'élection congolaise avait pu réussir, c'était le fruit d'un compromis à l'africaine. Alors c'est une formule incroyablement raciste. On a l'impression d'être au 19e siècle et d'écouter Jules Ferry à la tribune de l'Assemblée nationale. Et ça avait choqué pas seulement le clan de Tshisekedi, mais au-delà de ça, qu'on aime ou pas Tshisekedi, l'ensemble du peuple congolais qui avait vu un ministre des Affaires étrangères français, quand même tenant de la vieille France-Afrique à papa, copain avec l'ensemble des dictateurs du continent, et pas seulement du continent, on sait son amitié avec tous les maréchaux, le maréchal Sissi en Égypte, le maréchal Déby au Tchad, ou le président des Émirats. Ouais. Venir faire la leçon, c'était quand même assez incroyable, et ça n'a pas amélioré l'image de la France en RDC. Donc on s'est dit, bon, Emmanuel Macron, il appartient à une autre génération, il est quand même plus cool, il est quand même plus jeune. Il est arrivé au Congo, il est parti dans un quartier animé de Kinshasa boire une bière avec une des stars de la musique congolaise, Fally Ipupa. Bon, il y avait eu quelques tags devant l'ambassade de France, mais c'était pas grave. On s'est dit, Macron, il va faire un monde honorable. Souviens-toi, il avait dit qu'il fallait faire preuve d'une extrême humilité. Ouais. Eh ben non. Eh ben non, parce que lors d'une conférence de presse commune avec le président congolais Félix Tshisekedi en personne, Bah, il a carrément engueulé. Il a carrément engueulé le président d'un pays qui compte 100 millions d'habitants, le pays, faut-il le rappeler, du grand résistant Patrice Lumumba, assassiné notamment avec la complicité des Belges. Donc il a engueulé finalement le président d'un État, d'un autre État, d'un État souverain, avec la même décontraction qu'il avait enguirlandé un jeune militant écologiste quelques jours plus tôt au Salon de l'agriculture. Il engueule tout le monde. Macron, c'est un peu un mélange entre le Schtroumpf à lunettes et Tintin au Congo, le tout avec une... Certaines exaltations, on va dire. Hein. Ouais, on regarde ça. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous là. C'est une réalité aussi. Cette séquence a eu l'effet d'une bombe là-bas, mais aussi sur les réseaux sociaux, enfin partout, mais surtout en RDC, et pas en bien, hein, on le devine. Bah, ils se demandaient qui était ce charmant monsieur qui venait leur donner les leçons, et je pense que les Congolais ont eu envie de lui dire mais qu'il aille s'occuper de son pays. Je pense qu'en France, on a déjà suffisamment de problèmes avec l'inflation, avec le chômage, etc., etc., ouais, pour qu'il n'ait pas donné des leçons à la terre entière. Pourquoi il se le permet? C'est ça la question. Parce que quand il est allé au Gabon, où il fait copain-copain avec Ali Bongo, ou au Congo avec Sassou Nguesso, il n'a absolument pas donné de leçons. Parce que là-bas, on a des intérêts de précaré et aussi des intérêts économiques. Là, la France a beaucoup moins d'intérêts en République démocratique du Congo. On a essayé à un moment d'exploiter l'uranium avec Areva sous Nicolas Sarkozy, mais ça n'a pas trop marché. Alors, moi, ça me pose quand même question. Ce que vient confirmer Emmanuel Macron avec ce discours, c'est toute l'arrogance que peuvent avoir les dirigeants français vis-à-vis des pays africains, tout le paternalisme, toute l'expression finalement de donneur de leçons. Et c'est ça qui crée le ressentiment contre la France, ou en tout cas le pouvoir français en Afrique. Comment tu veux que la France soit aimée sur le continent si tu tiens des discours dignes d'un administrateur colonial? Comment tu veux que le ressentiment contre la France ne soit pas aussi fort si tu passes ton temps à tenir un double discours? T'es gentil avec tes copains dictateurs et tu donnes des leçons aux présidents, aux dictateurs qui sont amis avec les Russes, les Chinois, les Américains, bref, avec les autres puissances. Macron parle tout le temps de principes, de grandes valeurs, d'idéaux démocratiques, mais à côté, il se tait quand il s'agit, par exemple, de dénoncer les crimes du pouvoir tchadien qui massacre ses opposants, la France étant alliée avec le régime tchadien. Donc, il y a un véritable problème. Et en fait, cette intervention-là, elle symbolise un naufrage. Non seulement le naufrage de cette tournée, mais le naufrage de la politique de la France en Afrique. C'est quand même assez hallucinant, cette schizophrénie incroyable qu'il y a eu pendant la tournée d'Emmanuel Macron, où d'un côté, on est allé dénoncer la France-Afrique en plein milieu du Gabon, où on va donner des leçons en République démocratique du Congo, alors que de l'autre côté du fleuve, il suffit de traverser le fleuve, au Congo-Brazzaville, on s'est lavé les mains et on a fait copain-copain avec Denis Sassou Nguesso. Donc finalement, moi, ça me rappelle beaucoup une fable de La Fontaine avec la chauve-souris et les deux belettes, où finalement, la chauve-souris se disait tantôt oiseau, tantôt souris pour garder sa peau. Et là, en l'occurrence, pour préserver l'influence de la France en Afrique. Et surtout, il y a quelque chose qui a profondément blessé les Congolais, au-delà du pouvoir congolais. C'est l'attitude de la France vis-à-vis de ce qui se passe à l'est du Congo. J'ai parlé tout à l'heure de la rébellion du M23 qui est soutenue par le Rwanda. Et tout le monde, toute la communauté internationale, a condamné l'action du Rwanda, le soutien du Rwanda à cette rébellion. Même les États-Unis, qui sont des alliés traditionnels du Rwanda, l'ont fait. Mais la France n'a fait que du bout des lèvres. Et Emmanuel Macron, tout en parlant du drame à l'est du Congo, a refusé de nommer le Rwanda. Et tout ça pourquoi? Parce que la France est alliée au Rwanda. Et c'est ça ce qui a irrité. On est très liés, bien sûr. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de choses. D'énormes erreurs, ouais, et des fautes impardonnables en soutenant le pouvoir génocidaire Hutu lors du génocide des Tutsis au Rwanda 1994. Mais nos liens se sont rapprochés récemment. Et au-delà de cette question de culpabilité et cette reconnaissance mémorielle qui, pour moi, est essentielle, il faut que nous reconnaissions la terrible faute que nous avons faite au Rwanda. Eh bien, le Rwanda est le nouvel ami de la France, puisqu'il a une armée qui lui permet d'intervenir dans pas mal de théâtres extérieurs et de supplier les forces armées françaises qui sont devenues inefficaces ou indésirables dans des pays africains. Je pense notamment en Centrafrique, où ils ont remplacé nos troupes. Je pense aussi au Mozambique, et c'est assez intéressant de le souligner, puisque l'armée rwandaise intervient dans une zone du Mozambique qui est soumise à une invasion djihadiste. Sauf que cette zone du Mozambique est d'importance stratégique pour la France, et notamment pour Total, puisqu'il y a un énorme gisement gazier que Total veut exploiter. On estime le coût à peu près de cette exploitation à 20 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, l'armée rwandaise sert les desseins de Paris en allant combattre les djihadistes là-bas, et ce n'est pas pour sauver les populations locales. D'ailleurs, l'Union européenne a accordé très récemment un soutien de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour aller combattre ces forces au Mozambique. Et ce qui pose un véritable problème, puisque l'armée rwandaise n'intervient pas seulement au Mozambique, elle aide une rébellion au Congo, une rébellion qui commet des exactions sur les civils. Et ça, Macron ne l'a pas condamné. Et pour le peuple congolais, c'est absolument intolérable. Et d'ailleurs, pour finir, Emmanuel Macron a fini par se faire taper sur les doigts par le président congolais, Félix Tshisekedi. On regarde un petit magnéto. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Même Européens ou Américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y en a plus. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'Afrique, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président. Et c'est intéressant de voir que ces tacles-là, les propos du président congolais, finalement, n'ont pas eu le même écho médiatique que le président français. Même en ça, on peut peut-être y voir aussi, médiatiquement parlant, une illustration de la France-Afrique, encore une fois. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème de relais médiatique. Par exemple, quand on parle de la colère qu'ont les peuples africains contre la politique française en Afrique, on attribue toujours ça aux Russes, hein, comme si c'était finalement les Africains étaient des grands enfants qui ne savaient pas penser par eux-mêmes et qu'il y avait besoin d'un marionnettiste pour les manipuler, qu'ils soient russes, turcs, chinois, et en fait pour créer cette détestation de la France, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons nourri. Et on l'a vu dans les différentes interventions, que ce soit de Macron ou de Le Drian. Là, Félix Tshisekedi revenait sur cette fameuse phrase de Jean-Yves Le Drian, éminemment raciste, où il parlait de compromis à l'africaine. Mais ça doit quand même lui faire tout drôle à Emmanuel Macron de voir que les présidents africains, qu'on a longtemps considérés comme des sortes de sous-préfets, se révoltent et arrivent à dire la vérité en face. Je pense que c'est important d'arriver à dire non et d'arriver à dire ces quatre vérités à une ancienne puissance coloniale. Mais malheureusement, Emmanuel Macron, on l'a vu, pas l'air du tout de le prendre en compte. Il reste droit dans ses bottes. Et malheureusement, il y a cette phrase de la Bible, je ne fais aucun prosélytisme, qui dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et malheureusement, Macron est en train de ruiner non seulement l'image de la France en Afrique, mais nos derniers intérêts. Et ça, moi, je trouve que c'est fort dommage. Merci Thomas, on se retrouve bientôt j'imagine pour la prochaine épisode de Emmanuel Macron en Afrique. La prochaine fois. Il y en aura d'autres à mon avis. depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat-plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découvre et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien content. Enfin, cette sortie est complètement lunaire. Il n'a pas négocié, il a menti constamment, il sort des chiffres mais complètement au doigt mouillé, on ne sait plus ce que ça veut dire. Il fait des prévisions comptables sans tenir compte vraiment de modèles macroéconomiques sérieux qui prendraient l'impact global sur l'ensemble de la société, parce qu'il va y avoir quand même des gens qui vont bosser 2 ans de plus. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces. Au programme aujourd'hui, la France à l'arrêt et puis on ira faire un petit tour au salon de l'agriculture. Ce mardi 7 mars est historique, c'est l'appel de tous les syndicats à mettre la France à l'arrêt. Grève perlée et ou reconductible, blocage, coupure d'électricité, manifestation, les forces sont unies et mobilisées pour lutter contre la réforme des retraites. La pression et la tension sont fortes. Emmanuel Macron, lors de chaque déplacement, se fait attraper la veste dans le pays et mobiliser contre sa réforme. Et ça n'a pas manqué au salon de l'agriculture. Voici en image effectivement ces personnes qui étaient au salon de l'agriculture et qui ont interpellé le chef de l'État. La retraite à 60 ans avec ses pancartes, ses affiches. Bon, on voit le service d'ordre, évidemment. Alors, malgré tout, on dirait bien que le gouvernement Macron-Borne compte bien garder le cap. Thomas, comment tu vois la période de lutte qui commence là ? Qui a déjà commencé, mais qui s'annonce encore plus rude. Macron a pris les pires exemples. En fait, il est en déplacement. Alors, les sondages restent assez fidèles à eux-mêmes, même s'il y a eu une pause pendant les vacances, là. Mais les gens restent majoritairement opposés à cette réforme, avec un fort soutien aux grévistes et à l'action des syndicats. Et là, il y a Macron qui fait un déplacement au salon de l'agriculture, qui prend le pire exemple, qui nous dit en fait quel est son projet. Il prend l'exemple des agriculteurs, qui ont très peu de retraite, qui ont des revenus qui sont en train de diminuer, qui sont les premières victimes de la mondialisation, hein, et on en reparlera au deuxième sujet. Et il prend l'exemple des agriculteurs pour dire que voilà, en fait, il faut que les gens travaillent plus longtemps et que c'est indolore comparé à ce que vivent les agriculteurs. Il avait fait la même chose quand il avait fait son déplacement à Rungis en disant voilà, ici les gens se lèvent tôt, ils travaillent beaucoup, donc 2 ans de plus, c'est rien pour eux. Donc on comprend bien derrière déjà cette sortie qu'il y a deux visions déjà opposées finalement les pauvres entre eux, hein, On oppose ceux qui travaillent à Rungis et qui ont des conditions de travail très dures et les agriculteurs qui ont des conditions de travail extrêmement dures au reste de la population en les stigmatisant, en disant que c'est des enfants gâtés. Et puis son projet, c'est toujours le nivellement vers le bas. C'est qu'en fait, tant qu'il y aura des gens qui auront des retraites plus avantageuses ou tant qu'il y aura des gens qui travailleront et qui auront des conditions de travail plus dures. Et puis à la fin, le dernier, celui qui n'a aucune finalement protection, c'est l'ubérisation, et c'était le projet d'Emmanuel Macron, et ben il y aura des réformes à faire. Et donc il faudra qu'à la fin, on soit tous payés à la tâche que l'on fait, en se produisant nous-mêmes nos outils de travail, sans congés payés, sans retraite, sans assurance chômage, voilà, parce qu'on nous dira que c'est ce qu'il faut et parce qu'il y a déjà 1 million de personnes qui sont rentrées dans l'ubérisation ou dans l'auto-entrepreneuriat et qui supportent ça. Ça va être ça la finalité. Donc on voit bien qu'il y a une marche, finalement, contre le progrès social. Normalement, quand vous avez de la croissance économique, c'est ce que nous avons quand même depuis 30 ans. De la croissance économique, un partage des richesses qui est en faveur d'une petite élite qui s'enrichit plus rapidement que le reste de la population, normalement, vous devez avoir un peu de progrès social quand il y a de la création de richesses. Or là, c'est l'inverse qu'on nous dit. On a un nivellement vers le bas avec une création de richesses qui est captée par une minorité d'individus. Donc c'est ça le projet de fond que Macron révèle à chaque fois qu'il fait une sortie, en fait. Par rapport à ce mardi 7 mars, le gouvernement a lancé depuis longtemps son offensive politique et médiatique pour dissuader de la grève et des blocages, d'à quel point ça pouvait être dangereux, qu'il faut avoir peur, on regarde. Aussi, nous voulons continuer d'avancer, de travailler chaque instant pour répondre aux interrogations des Français et à ce qui menace notre pays. Aussi, mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je vous éviterai une fois de plus la litanie des mesures engagées depuis un an maintenant en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Les chiffres de l'OFCE parlent d'eux-mêmes. En 2022, ce sont près de 800 euros de pouvoir d'achat préservés en moyenne par ménage grâce à l'action du gouvernement via des aides comme le bouclier tarifaire ou la remise sur le carburant. Les mesures liées à la baisse des impôts ont, elles, permis un coup de pouce de 260 euros supplémentaires. Et au total, ce sont encore 400 euros supplémentaires pour les 5% des ménages les plus pauvres, grâce à la revalorisation des prestations sociales, à l'aide exceptionnelle versée aux ménages et au chèque énergie. Donc ceci est la sortie du Conseil des ministres de mercredi dernier par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Thomas, on dirait que le gouvernement abat toutes les cartes, même les plus absurdes en fait. Oui, tout à fait. Là, cette sortie est complètement lunaire. On le voit bien quand tu commences à dire que le blocage a un impact sur les cancers du col de l'utérus, enfin, ou sur les sécheresses. On va quand même très très loin. En fait, on se rend compte d'une chose, que ce qu'on a dit aussi beaucoup ici, hein, c'est que Macron a très peur, le gouvernement a très peur du blocage. Parce que finalement, c'est un blocage version 95, c'est la seule chose qui pourrait faire reculer le gouvernement. Pourquoi ça le ferait reculer? Pas parce qu'il en subirait les effets, parce que lui n'en subira pas les effets. Tout simplement parce que, à un moment, le patronat va dire à Macron, il faut lâcher prise. Et là, si Macron a la population et en plus le patronat contre lui, parce que jusqu'à aujourd'hui, il a quand même bien gâté le patronat, là, il cédera. Il cédera. Où il y aura dissolution, enfin il y aura une crise politique de grande ampleur. Et comme ce gouvernement a parié au début sur la résignation, que ça n'a pas eu lieu, puis il a parié sur l'essoufflement, qui n'a pas vraiment eu lieu, là, comme il voit que ça se durcit, que les gens soutiennent encore les syndicalistes, et qu'il y a l'union syndicale pour bloquer le pays, ce qui est une première, là, le gouvernement, il doit dire que oui, le blocage va avoir un impact énorme sur un tas de choses complètement absurdes, mais la réalité, et là, il l'a montré Véran dans son discours, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a conseillé dans sa communication, parce que c'était complètement absurde. Il a montré en fait qu'ils avaient peur, que le gouvernement avait peur du blocage. Après, est-ce que le blocage pourra tenir? C'est la question. Mais en tous les cas, c'est la dernière des choses qu'ils voulaient. Ils agitent le chiffon des problèmes économiques que les blocages et ou les grèves pourraient entraîner. Olivier Dussopt, il dit « bloquer le pays n'aurait pas de bonnes conséquences pour l'économie ». Il y a aussi d'autres députés qui amènent à dire que c'est dangereux pour l'économie de faire ces blocages. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'ils ont raison d'agiter ce chiffon-là, ou c'est vraiment encore dissuasion? En fait, le blocage, enfin, d'un point de vue macroéconomique, quand on regarde sur une année, hein, le blocage de 95 qui a duré un mois, qui était un blocage quand même, il n'y avait plus de transport pendant un mois, sur les chiffres macroéconomiques, il n'y a pas d'effet, parce que vous avez un effet de rattrapage. Même mai 68, il n'y avait pas d'effet. C'est-à-dire que vous avez une perte très forte le premier mois, et puis vous avez un rattrapage rapide après. Sauf que là, on est dans une situation différente. Il y a l'inflation, il y a une situation pour beaucoup d'entreprises, pas les grosses entreprises, mais pour beaucoup d'artisans, etc., de fragilisation due à l'inflation et due au Covid aussi, où pendant un certain temps, il n'y a pas eu d'activité. Et puis maintenant, l'activité ne reprend pas plein pot. Il y a beaucoup d'artisans et de commerces qui font moins 20, moins 30% de chiffre d'affaires. C'est le cas de certains restaurants, c'est le cas des coiffeurs, etc. Donc s'il y avait une grève de grande ampleur, un blocage, il est vrai que ces gens-là seraient les premières victimes. C'est une réalité, parce que c'est eux, c'est ceux qui n'ont pas de trésorerie, ceux qui n'ont pas de quoi encaisser un choc, et ils en seraient victimes. Et tout le monde veut éviter le blocage. Le blocage ne fait plaisir à personne quand on vit dans la vie réelle, ce qui n'est pas le cas de ce gouvernement qui ne vivra pas dans sa vie réelle le blocage. Mais quand on vit dans la vie réelle, un blocage ne fait de bien à personne. C'est le gouvernement qui a imposé cette mise sous pression et le fait de toujours augmenter graduellement la pression à mettre pour lâcher cette réforme des retraites. Il n'a pas négocié, il a menti constamment, il sort des chiffres mais complètement au doigt mouillé, on ne sait plus ce que ça veut dire. Il fait des prévisions macroéconomiques qui sont juste des prévisions comptables, comme si on faisait un produit en trois sans tenir compte vraiment de modèles macroéconomiques sérieux qui prendraient l'impact global sur l'ensemble de la société, parce qu'il va y avoir quand même des gens qui vont bosser deux ans de plus. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de postes pour les entrants sur le marché de l'emploi. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pouvait analyser et qu'il n'a pas fait parce qu'il veut faire passer cette réforme de force. Et puis chaque fois on se rend compte que dès qu'ils disent une chose, ils sont débunkés quelques temps après par des experts ou des économistes. Donc ils passent cette réforme malgré finalement le choix du peuple. Donc c'est eux qui imposent la pression. Et donc s'il y a un blocage, c'est vrai que ça risque d'être douloureux et qu'à un moment, je pense que le grand patronat se moque des artisans, mais qu'il y a un moment où l'impact est tellement fort que le grand patronat, le MEDEF, etc., dit lâchons prise, c'est ce qui s'est passé en 1995 et le gouvernement lâche. Oui, ils essaient de renverser la responsabilité, la charge de l'économie. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui disent que l'urgence est telle que ça fait moins mal de bloquer l'économie pendant un ou deux mois plutôt que de travailler deux ans plus tard. Exactement, ils font ça et ils divisent les gens entre eux. Et comme les gens ne comprennent pas très bien cette réforme, les retraites, c'est assez difficile à comprendre. Alors, comme les gens qui ont bossé à 30 ans vont se dire « Mais moi, de toute façon, je bosse jusqu'à 67 ans et j'aurai ma retraite à taux plein. » Ils pensent que c'est une retraite complète, ce qui est parfaitement faux. Ils auront des pensions beaucoup plus faibles. Il y a juste le taux de liquidation qui sera plein, mais ils auront des pensions beaucoup plus faibles. Donc, on joue sur cette incompréhension de la part des gens pour opposer entre eux des gens qui auraient des régimes spéciaux et qui seraient des nantis avec des gens qui n'en ont pas, ou des gens qui, eux, n'ont pas de retraite parce que ce sont des commerçants, des professions libérales, etc., à des gens qui ont une retraite beaucoup plus stable parce qu'ils sont salariés. Et c'est ce que fait le gouvernement. Mais malgré tout, ça ne prend pas puisque les gens restent quand même très majoritairement opposés. Qu'est-ce que tu attends de la journée de ce mardi 7 mars et même de la suite après, vu que c'est reconductible? Il faut en fait montrer, il faut vraiment montrer à ce gouvernement le rapport de force. Et donc de quoi, ce que ce serait une économie bloquée. Après, bien sûr, il y aura toujours cette question de combien de temps on peut bloquer l'impact que ça. Et je suis sûr que le gouvernement tel qu'il est, même si c'est bien bloqué une journée, il fera en sorte d'essayer de retourner l'opinion publique. Et il sait qu'on ne peut pas bloquer comme en 95 parce que la situation en termes de pouvoir d'achat est beaucoup trop compliquée. Mais il faut montrer quand même que les gens sont prêts à s'engager et à bloquer ce pays, ce qui montrerait en fait que les gens, un ou deux mois après les premières mobilisations, restent toujours mobilisés et qui sont prêts, même si on est passé à une autre étape de la mobilisation. Puis ça montre que c'est bien les travailleurs qui font l'économie en France. Et en plus, voilà, alors ça, on a l'air de l'oublier constamment, surtout en Macronie. Hein. On se souvient quand même pendant le Covid de Macron qui avait dit notre économie traite mal ses travailleurs, il faudra s'en souvenir. Bon, ben on s'en souvient pas visiblement. Et que chaque fois qu'il y a des grèves, avec quelques raffineurs qui font grève, il n'y a plus d'essence, ça montre l'importance de ces travailleurs-là. Mais ça, bon, c'est une question récurrente qu'on a vue et qui est souvent oubliée, y compris chez les populations. Le Salon international de l'agriculture vient de se clôturer ce dimanche. Pendant 10 jours, les Parisiens et Parisiennes ont pu goûter des produits des régions françaises et au-delà, voir des vaches énormes ou monter dans une moissonneuse-batteuse flambant neuve. Ce salon si médiatique mais pas très fermier attire énormément et a au moins un avantage, qu'on parle enfin d'agriculture pendant quelques jours. L'agriculture fait face à d'énormes enjeux depuis des années qui font surface maintenant. La question de l'eau, évidemment, avec les nappes phréatiques pas très remplies et les sécheresses hivernales. Ou encore le renouvellement des générations avec des agriculteurs de moins en moins nombreux et un accès aux fonciers difficile. Dans les années 80, il y avait 1,6 million d'exploitations agricoles. En 2000, 600 000. En 2020, 416 000. C'est l'hécatombe. Leur taille a par contre doublé en 30 ans, passant de 27 hectares en 1988 à 69 hectares en 2020. Personne n'est passé à côté de la crise du milieu agricole et paysan depuis les années 1980 et l'intensification de l'agriculture. D'ailleurs, je me suis moi-même rendue au Salon de l'agriculture avec mes camarades Léo et Élie pour vous faire un retour de terrain dans le Toujours Debout de ce lundi 6 mars, que je vous invite à aller voir. Thomas aussi y est allé au Salon de l'agriculture. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation économique des agriculteurs et paysans français? Alors la situation aujourd'hui, tu l'as très bien dit, elle est catastrophique. Il faut quand même regarder ce qui s'est passé depuis l'après-guerre. À partir des années 50, on avait des prix garantis. Donc des prix qui étaient très stables, notamment sur le blé et la betterave. Comme on avait des prix garantis, ça permettait aux agriculteurs de se projeter et donc de faire des investissements nécessaires en machines, etc., qui pouvaient rentabiliser, amortir sur plusieurs années. Ces prix garantis ont été très efficaces, tellement efficaces qu'on a produit même plus que nos besoins. Et donc, il fallait s'orienter vers l'export. Alors, au début, l'export, tout le monde était content. Les agriculteurs étaient très contents parce qu'on dit, on a des débouchés, on était en position de force. Donc, on a exporté en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, on était très contents. Sauf que la mondialisation a changé à partir des années 90. Et des pays émergents comme le Brésil, la Chine, sont arrivés avec des produits qui avaient des coûts beaucoup plus faibles, parce qu'il n'y a pas les mêmes normes sociales, environnementales dans ces pays-là. Et donc là, qu'est-ce qu'ont fait les agriculteurs? Alors, les prix garantis, c'est fini, parce que maintenant, on est sur un marché mondial. Et qu'ont fait les agriculteurs? Ben, les agriculteurs, ils ont voulu augmenter leur productivité. Comment on augmente sa productivité? On investit de plus en plus dans des machines, dans des produits phytosanitaires, pour produire plus. Le prix diminue. Sauf que sur les marchés agricoles, vous savez, au niveau mondial, ce n'est pas parce qu'une pomme vaut deux fois moins cher qu'on va en consommer deux fois plus. Et même à titre individuel, parce qu'une pomme coûte deux fois moins cher qu'on va consommer deux fois plus. Donc si le prix diminue de deux fois, mais que le volume n'augmente pas de deux fois, c'est que le produit n'est pas autant élastique qu'on le pense. Et donc ça veut dire que plus vous baissez les prix, moins vous allez rattraper finalement en volume. Ce qui fait que, et là tu l'as très bien dit, les agriculteurs les plus faibles ont fait faillite. Et c'est les gros qui arrivaient, eux, à produire massivement et à faire un peu plus de volume, etc., et à baisser un peu plus les prix, qui ont récupéré ces petites exploitations agricoles. Donc, en fait, la mondialisation, qui, dans un premier temps, a servi nos agriculteurs, s'est retournée contre elle. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça, sans qu'on ne fasse rien. C'est ça, le problème. Et même, on fait pire, puisqu'on signe des traités de libre-échange avec des pays à l'autre bout du monde, en Europe, pour faciliter les échanges, pour faciliter les barrières, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de protection sur nos agriculteurs. Et donc, on les expose encore plus à la concurrence. Tant qu'on ne changera pas, en fait, ce modèle-là, ce sera la fin de notre agriculture. Après, le problème, c'est que les agriculteurs qui sont dans cette situation-là, si vous partez, c'est un peu comme tout le monde, hein, si vous partez du principe que les choses ne peuvent pas changer, que la mondialisation est une fin en soi et qu'elle est installée et qu'elle ne changera pas. Et ben, qu'est-ce que vous demandez? Ben, vous demandez des baisses de charges, vous demandez plein de choses comme ça, en fait. C'est toujours la même chose, on est toujours dans le moins-disant que peuvent demander des petites entreprises, des petites PME pour tenir la concurrence, mais on ne résout pas le problème de fond qui est lié à la mondialisation. Alors, on est en période d'inflation depuis plus d'un an, hein, qui touche fortement les produits alimentaires. On le voit dans tous nos supermarchés, l'inflation alimentaire tourne autour aujourd'hui des 15%, et on présage encore des hausses à venir. Les matières premières, comme le prix du blé, augmentent aussi, tu viens de l'expliquer, Thomas. Le premier réflexe serait de se dire que les agriculteurs profitent donc de l'inflation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas? En fait, c'est pas. Alors, il y a un rapport de la répression des fraudes qui a montré que c'était pas les agriculteurs. En réalité, les agriculteurs reportent le prix de leurs intrants, qui augmente majoritairement. Donc, c'est pas du tout eux-mêmes, leurs marges ont diminué. C'est pas non plus la grande distribution qui, effectivement, il y a une asymétrie très forte dans les négociations de prix entre la grande distribution et les agriculteurs depuis toujours. Ça, c'est clair. Surtout qu'il y a quatre grosses centrales d'achat qui peuvent imposer. Enfin, faut pas se fâcher avec une des centrales d'achat. Donc, les prix étaient négociés autour de la table comme ça. Et effectivement, les distributeurs avaient un poids fort. Mais dans cette crise-là, sur cette petite crise-là, on se rend compte aussi que les distributeurs ont fait en sorte de baisser un petit peu leurs marges, etc., parce qu'ils avaient peur de voir leurs clients partir. Donc, l'inflation n'a pas profité à nos agriculteurs. Bien au contraire. Et puis après, malgré l'inflation, vous avez toujours une concurrence qui est mondiale qui est forte. Et donc, vu que l'inflation est différente en fonction des pays et des régions dans lesquelles on vit, il y a même eu des produits qui ont été importés, qui ont certes eu un coût de transport, etc., mais qui sont toujours mis en compétition avec des gens qui produisent localement. Donc, l'inflation n'est pas quelque chose qui a profité à nos agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, c'est une question large, mais c'est finalement le nœud de tout ça. Penses-tu que les agriculteurs et paysans français sont les grands perdants de la financiarisation de l'économie? C'est les grands perdants de la mondialisation et de la financiarisation. Et comme la financiarisation et la mondialisation travaillent ensemble, hein, sont construits ensemble, il n'y a pas de mondialisation sans financiarisation et inversement. Hein. Il y a de la marché unique en Europe grâce au mouvement des capitaux. Et les mouvements des capitaux profitent à la financiarisation. Donc les deux vont ensemble. En fait, on l'a vu dans la première question, la mondialisation a fait que les gens, les agriculteurs ont dû être de plus en plus productifs. Ça a baissé leurs prix, ils n'ont pas retrouvé les volumes. Et donc les plus faibles ont disparu. Mais en plus de ça, la financiarisation des marchés des matières premières qui a commencé à partir des années 2000, parce que ça présentait un intérêt en termes d'inflation, parce que vous pouvez répercuter l'inflation sur ces prix-là, contrairement aux autres actifs financiers, a fait qu'il y a eu une augmentation de la volatilité très forte sur ces marchés-là. C'est-à-dire que c'est déjà très difficile. Imaginez-vous, vous êtes un agriculteur, vous voyez un prix du lait. On vous dit que le prix du lait augmente, par exemple. Donc vous vous dites, si le prix du lait augmente, il faut que j'investisse dans le lait. Donc vous investissez dans l'achat de machines pour produire du lait. Et puis d'un seul coup, vous avez un producteur chinois qui arrive, la Chine, qui inonde le marché de lait, les prix tombent fortement, et là, vous n'arrivez pas à rembourser vos investissements que vous remboursez sur plusieurs années. Donc c'est un vrai problème. Sauf qu'aujourd'hui, les prix sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire que comme vous avez des paniers de biens qui ont été créés par des grandes banques comme le Goldman Sachs Commodity Index, qui prend en compte le pétrole, le soja, le blé et d'autres biens agricoles, et qui les relie entre eux, ce qui fait qu'il y a une autocorrélation. Quand le prix du pétrole va monter, par exemple avec l'affaire de la Russie, et ben vous allez avoir le prix du blé aussi, parce que la Russie est un producteur de blé, mais d'autres biens agricoles qui ne sont pas produits en Russie qui vont augmenter. Il y a une autocorrélation due à ces paniers de biens financiers créés pour faciliter les financiers en réalité. Quand vous achetez des matières premières, vous achetez aussi du pétrole. Et donc ça a créé de l'autocorrélation et des mouvements de la volatilité extrêmement forte. Quand vous êtes un agriculteur, que vous avez un produit comme ça qui est volatile, extrêmement volatile, pour prévoir l'avenir, se projeter, c'est l'inverse des prix garantis qu'on a vu après les années 50. Les prix garantis, les gens arrivaient à se projeter parce qu'ils pouvaient établir une rentabilité sur plusieurs années. Aujourd'hui, la mondialisation, la géopolitique mondiale qui peut frapper des grands producteurs comme on l'a vu avec la Russie, plus la financiarisation qui fait que les prix des biens sont volatiles, mais extrêmement volatiles, et qu'on peut passer d'un prix à 100 à 50 en l'espace d'un mois, fait qu'il y a beaucoup moins de visibilité, que c'est très difficile pour un agriculteur pour savoir dans quel bien agricole il doit investir ou comment le développer sur le long terme. Donc la financiarisation a joué très fortement également contre les agriculteurs. Sachez chez vous que cela fait déjà 5 mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24/7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le média, votre média, ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5€ par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partage et pubs autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Comme cul et chemise, comme la ronde en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et ma beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon. Dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres sans le dire pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, des forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Mais n'ayez aucune illusion, dès le 7 mars, ils opposeront les gentils Français ordinaires aux méchants syndicats qui bloquent. Avec des traits d'union. C'est ce que je disais il y a 3 semaines, et évidemment... Moi je respecte le droit de grève, le droit syndical qui est constitutionnel. Ça veut dire qu'il va dire le contraire juste après. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité c'est les Français qui vont bloquer. Et surtout c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté. Ceux qui trinquent en général, c'est ceux qui triment. Le gouvernement ne se contente plus d'opposer la gauche politique aux syndicats. Il s'en prend à la grève et aux syndicats. Car comme chacun sait, les grévistes ne font pas partie des travailleurs qui triment et ils prennent un plaisir fou à faire grève. Vous n'êtes pas légitime à contester. Et puis derrière ça, on supprime les régimes spéciaux, ce qui est un élément de justice. Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. Vous n'êtes pas légitime à vous plaindre. Bref, il faut se débrouiller pour que le plus revendicatif soit réputé finalement illégitime à parler ou à décider. C'est l'éternelle stratégie du diviser pour régner. Quel est l'ensemble qui s'oppose à moi? Enfonçons un coin dans cet ensemble pour qu'ils s'opposent entre eux. Et si un des sous-ensembles reste trop puissant, réitérons le procédé. Vous savez, c'est le scénario là, dans la zizanie. Jules César n'arrive pas à venir à bout de l'unité du village d'Astérix, alors il envoie Tullius Détritus, parce que lui, il est capable de semer la discorde, la zizanie, partout où il passe. Mais attendez, parce que Détritus Macronus, lui, pousse très loin le procédé. C'est ce qu'on va voir. Opposition entre des catégories de Français, on vient de le voir, mais aussi opposition, représentation politique versus opinion publique. Éric Woerth, député Renaissance, a par exemple déclaré « Lorsqu'on est aux responsabilités, on doit savoir parfois s'extraire de l'opinion publique ». Ça peut vouloir dire « La décision concerne le long terme, donc ne doit pas se régler sur l'immédiateté des sondages ». Mais moi j'entends aussi l'avis de la majorité des Français. Ensuite, opposition représentation politique versus mouvement social. Lorsque la société est trop remuante, la Macronie renvoie sans cesse à la légitimité censée être supérieure de la représentation nationale, du Parlement, sur la rue. On est typiquement dans le cas d'une confrontation de deux types de légitimité. Il y a la légitimité politique et il y a aussi cette légitimité sociale à travers la vie syndicale et à travers ces mobilisations. Il faut que ce soit la légitimité politique qui prévale. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne se passe. En fait, depuis le début, le gouvernement a préféré négocier avec les Républicains plutôt qu'avec les syndicats, y compris la CFDT. Il fait le calcul qu'une courte majorité dans le champ politique suffira à tordre le bras de la société. C'est pas un échec de la démocratie sociale, c'est une volonté du pouvoir de s'en passer, et de compter sur un deal politique avec les Républicains pour forcer la main des syndicats. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas opposer la légitimité de la rue à celle de nos institutions. La zizanie a même été semée au sein du Parlement, entre les deux chambres, par une opposition Assemblée nationale versus Sénat. Gabriel Attal était ainsi à deux doigts de faire sortir l'Assemblée nationale du champ républicain, pour louer la légitimité du Sénat. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Tout simplement pour brosser la droite sénatoriale dans le sens du poil. Certains se permettent même de cultiver une opposition gouvernement versus Assemblée. Interrogé sur la communication mensongère du gouvernement à propos des pensions à 1200 euros, Olivier Dussopt s'est carrément permis un geste anticonstitutionnel. Je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Merci Madame la Présidente. Sur le fondement de l'article 24 de la Constitution et sur le fait que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, Monsieur le ministre vient de dire qu'il n'avait pas à rendre compte de quelle administration lui avait donné les informations et les chiffres et à quelle date il méprise la Constitution. Le gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée nationale, mais Monsieur le ministre s'estime tellement proche de Sa Majesté le Président qu'il peut se passer de ses formes. Ça finit même en opposition volonté de l'Élysée versus sa propre majorité parlementaire. Ont en effet été formulées des discrètes menaces contre les députés Renaissance qui ne seraient pas loyaux et feraient autre chose que voter pour le texte de la réforme des retraites. C'est des situations qui peuvent conduire à des exclusions de groupes majoritaires. En appeler à une discipline de groupe parlementaire n'est pas un fait extraordinaire en soi. Mais pourquoi le faire si cette réforme est à ce point évidente, nécessaire et juste ? Au fond, dans toute cette affaire, c'est bien l'onction supérieure de l'élection présidentielle qui est opposée à toute autre source de légitimité. Qu'importe le débat parlementaire, qu'importe le débat public en général, Macron pense sa propre position comme absolument surplombante. C'était le sens de ses déclarations depuis l'Espagne, lors de la première journée de mobilisation, le 19 janvier. Donc on peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois, c'est juste ça ce que je dis, avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Dans la rue ou dans les sondages, vous pourriez être le triple, le forcené de l'Élysée s'en moque. J'ai été élu, je fais ce que je veux. Admettons même que c'est son programme qui a été validé au premier tour. Ça fait 9,7 millions de Français. On peut donc dire que, via les outils que la Constitution de la Ve République donne au président, 9,7 millions de Français peuvent imposer leur volonté à 50 ou 60 millions d'autres Français. Alors évidemment, tout cela est toujours accompagné de grandes déclarations d'ouverture au dialogue. Il y a un gouvernement qui est profondément à l'écoute, dans le dialogue social, c'est son rôle. Mais alors est-ce c'est qu'il faut les recevoir ? Ils mentent sur le fond, ils distordent le sens des mots, ils disent le contraire de ce qu'ils font. Le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue, comme il l'a montré ces derniers mois. Mais il ne cesse d'en appeler à la discussion. Mais un dialogue, une discussion suppose d'être un minimum à l'écoute, et que l'autre ait quelque chance raisonnable de convaincre ou au moins de faire douter. C'est à nouveau ce que l'intersyndicale a expérimenté en demandant à être reçu par le président. Bref, quand la Macronie ne dit pas purement et simplement « ferme ta gueule », elle s'en sort avec un « cause toujours ». Nous sommes un gouvernement, je crois, qui est vraiment dans le dialogue social. En somme, cette stratégie de la zizanie généralisée, qui est facilitée par la Constitution de la Ve République, est franchement dangereuse, puisque petit à petit, elle délégitime toutes les instances, sociales, politiques et même institutionnelles, qui concourent à la vie démocratique, au profit des milieux économiques qui, eux, souhaitent cet allongement de la vie dans l'emploi. Si vous avez un président de la République et un gouvernement qui décident contre l'avis ultra-majoritaire du peuple, c'est quoi la suite ? Comment ça peut fonctionner après ? Vous voyez bien que vous abîmez la démocratie. Vous voyez bien que là, il y a une rupture de confiance entre ceux qui gouvernent, le système institutionnel et la majorité des Français. Dans la bande dessinée, Astérix ruse et renverse le piège de la zizanie en faisant croire aux Romains que Tullius Détritus complote avec les Gaulois contre les Romains. On ne fera pas croire aux classes supérieures et aux milieux d'affaires qui soutiennent Macron qu'il roule pour le peuple. Mais s'ils se mettent à penser que Détritus Macronus ne défend pas efficacement leurs intérêts, ils pourraient lui faire savoir que l'ordre et la stabilité sont finalement plus précieux que l'entêtement à faire passer cette réforme des retraites. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux, joie mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirai si un jour tu t'en irais. La revue de presse, la loi RIST, R-I-S-T, fait trembler les hôpitaux vosgiens, devenant effective le 3 avril prochain. La loi RIST suscite de nombreuses inquiétudes dans le milieu hospitalier vosgien. Si rien ne change d'ici sa mise en application, plusieurs services pourraient être sévèrement impactés. Certains craignent même des fermetures. Pas le choix. On sera hors la loi, prévient Patrick Nardin, le maire d'Épinal. 79, comme le nombre de services qui pourraient être menacés de fermeture totale ou partielle dans le Grand Est. Réforme du RSA. 2000 Vosgiens participent à l'expérimentation. 2000 bénéficiaires. Oh, c'est un mot important ça. 2000 bénéficiaires du RSA. Oui, les gens qui touchent le RSA sont des bénéficiaires, vont suivre de 15 à 20 heures d'accompagnement hebdomadaire pour les aider à retrouver un emploi. Le dispositif fait partie de l'expérimentation France Travail et est testé dans 18 autres départements. Attention, en Allemagne en 1933, 6 millions de chômeurs ont amené Hitler au pouvoir. Les nazis au pouvoir, c'était la Deuxième Guerre mondiale, ça a fait 60 millions de morts. 60 millions, c'est le nombre d'habitants qu'il y avait en Allemagne en 1933, c'est à peu près le nombre d'habitants qu'il y a en France en cette année, 2023, hein, 90 ans plus tard. Attention les responsables. Le danger grandit. Vous êtes responsable. N'oubliez pas, vous êtes responsable. Les responsables. Un cancer du sein reconnu comme maladie professionnelle. Elle a été infirmière durant 28 ans au centre hospitalier de Sarreguemines en 2009. Âgée de 49 ans, Martine a développé un cancer du sein. Il vient d'être reconnu comme maladie professionnelle. Après 2 ans de démarche menée par la CFDT mineure de Frémin-Merlebach, une première. Voilà. Alors, le travail de nuit, bon, pointé du doigt, etc., etc. Voilà. Il y a des choses, hein. Eh oui, ben, faut savoir ce qu'on veut, hein. Faut savoir dans quel genre de société on veut vivre. Eh oui, il faut agir, faut réagir. Rationnellement. Moteur thermique. L'interdiction en panne. Ah, l'Union européenne est le nez dans le caca. Ah, oui. Faillite de banque. L'Europe se veut rassurante, mais bon, hein, aux États-Unis, la Silicon Valley est en train de battre de l'aile. Eh oui. L'économie mondiale est en train de se rééquilibrer, de se réajuster. Les capitaux se redispersent différemment. L'industrialisation se fait à certains endroits. Évidemment, il y a une désindustrialisation à d'autres endroits, en contrepartie. Ben oui, si les téléphones portables sont fabriqués à un endroit, ils ne seront plus fabriqués à un autre endroit. Eh ben voilà. Et puis il y a la robotique, et puis il y a l'intelligence artificielle qui vont perturber quelque peu le fonctionnement du capitalisme international, apatride, etc. Alors, des enfants devant un cratère formé par un bombardement russe à Solonka, en Ukraine, le 16 novembre 2022. Comment se fait-il que nos gouvernements, nos États qui se disent démocratiques ne réagissent pas plus fermement face à Poutine? Hein? Eh oui, on a les populations civiles qui souffrent. Oh ben, ma foi, voilà, c'est comme ça, quoi. Hein. Des victimes d'un puissant antibiotique vont porter plainte. Une dizaine de patients s'est vu prescrire des fluoroquinolones. Devraient porter plainte cette semaine à Paris. Il souffre d'effets indésirables, parfois graves et potentiellement irréversibles. Malgré les alertes des autorités sanitaires, cette famille d'antibiotiques est souvent prescrite hors autorisation. Alors l'Avelox fait partie de la famille des fluoroquinolones pointés du doigt. Oui, oui, oh, ben, on a des autorités qui font leur travail, hein. Mais oui, Macron, il fait ce qu'il faut pour que les Français vivent bien, qu'ils vivent mieux, hein, qu'ils aient moins de chômage, par exemple, nom de Dieu. Chavelot, la belote attire les joueurs au club Trait d'Union. Trait d'Union. Ah, c'est un club, ça, le Trait d'Union. Et c'était une radio locale, libre, l'autre fois. La première radio libre des Vosges. Eh oui, initiative de qui donc? Arche, un festival du court-métrage pour tout public avec la médiathèque. La programmation de l'édition 2023 du Festival National du Court-Métrage est finalisée cette année. 4 temps forts sont programmés par l'équipe de la médiathèque en ce mois de mars pour proposer des films à tous les publics. La responsable de la médiathèque Anne-Sophie Gillard et ses collègues animatrices ont visionné une centaine de films pour finaliser la programmation de l'édition 2023 du festival. Voilà. Alors, il y aura 2 séances organisées dans la salle du conseil les vendredis 17 et samedi 18 mars à partir de 20h. Voilà. C'est ce qu'on disait, hein, sur le journal, un journal un peu ancien. Bon. Permis de construire, les contrôles de conformité remis en question. Et Éric de Fradoux, Gérardmer, élu de l'opposition, réclame le rapport établi par l'Agence régionale de santé, l'ARS, à la suite des contrôles réalisés cet été sur différents chantiers. L'instruction est toujours en cours, indique le maire qui conteste formellement un certain nombre d'observations. Il a fait savoir à la sous-préfète et attends sa réponse. Voilà. Alors ensuite, encore d'autres nouvelles. L'Assemblée nationale doit se prononcer cette semaine sur le démantèlement de l'IRSN au profit de l'ASN, du CEA et du ministère de la Défense. Une décision soudaine, opaque et potentiellement dangereuse. Je crois qu'ils prennent des décisions sur n'importe quel sujet, n'importe comment, pour occuper l'opinion publique, pour attirer l'attention sur le qu'on évite de voir, de savoir, de comprendre des choses. Hein? Oui. Une décision soudaine, opaque et potentiellement dangereuse. Il s'agissait initialement de dissoudre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sans l'autorisation. Dans l'autorité, de sûreté nucléaire, après avoir privé de ses missions de recherche. Alors, prise sans concertation ni débat public, la décision n'est assortie d'aucun diagnostic, d'aucune étude d'impact, alors même qu'elle prend le contre-pied des conclusions de précédents travaux. La CRIRAD alerte l'Assemblée nationale. Heureusement qu'à la CRIRAD, l'Assemblée nationale doit se prononcer lors de l'examen du projet de loi prévu du 13 au 15 mars prochain, était-il écrit. Oui. Oh ben, voilà. Les priorités sont ailleurs, un diagnostic précis et complet des dysfonctionnements, incluant l'analyse du fiasco des EPR, assurer l'évaluation correcte des risques, la protection effective de la population et des travailleurs, un réel droit d'accès aux informations et de participation au processus de décision. Hein? Eh oui. Si on vivait dans un état de droit dans lequel le droit a ses droits, eh bien, voilà. La remise en cause doit être générale car le fiasco de l'EPR n'est pas seulement industriel, il interroge la gouvernance du nucléaire au sens large. Je lis pas tout parce qu'il y en a 2 pages. Hein? Eh oui, et puis voilà. Hein? Ouais. Ensuite, nouvelle union populaire, écologique et sociale. Les députés de l'intergroupe NUPES s'opposent fermement au projet de fusion ASN-IRSN tel que proposé par le gouvernement. Alors, des petits trucs comme ça, en passant, recyclez vos déchets, n'en faites pas des ministres. recyclez vos déchets, n'en faites pas des ministres. Ou autre chose du même genre. Je ne plierai pas, je ne m'en irai pas en silence, je ne me soumettrai pas, je ne me retournerai pas, je ne me conformerai pas, je ne me coucherai pas, je ne me tairai pas. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant. Et qui a dit ça? Allez, 3 secondes. Eh bien, c'était Jean Jaurès. Voilà. Anthony Smith. Même si nous sommes moins de 1750 en France pour tenter de veiller à l'application du Code du travail dans près de 2 millions d'entreprises, même si en 10 ans, 20% des effectifs de contrôle ont été supprimés, nous sommes toujours là. Vive l'inspection du travail. Sous l'injonction de Bruxelles, l'Espagne doit réformer son système de retraite, indique l'agence Reuters. Le gouvernement de gauche au pouvoir et ses alliés d'Unidas Podemos ont décidé, pour le rééquilibrer, de mettre davantage à contribution les revenus des plus élevés. Unidas Podemos ont décidé, pour le rééquilibrer, de mettre davantage à contribution les revenus les plus élevés. C'est pas en France qu'on verrait une chose pareille. Tant que le règne de Maître Macron n'est pas terminé, eh bien, c'est pas possible. Il faut le foutre dehors si on veut pouvoir faire une politique digne de ce nom. Fascinant, Emmanuel Macron, qui semble vouloir s'exiler sur une autre planète. Plus la France se mobilise, plus lui met au point d'honneur, met un point d'honneur à être absent. Comme si gouverner, c'était regarder ailleurs. Le président des riches est devenu le président des ombres. Oh, qu'est-ce qui dit des choses pareilles? Qu'est-ce qui est méchant comme ça? Eh bien, moi, je vous le dénonce. C'est Gérard Miller. Eh oui, il dit la vérité. Ouais. Projet de loi nucléaire, le gouvernement persiste et cite dans ses mensonges. Voilà. La relance du nucléaire maintiendrait la France en état de dépendance énergétique envers différents pays, dont la Russie de Poutine. Vous savez qui massacre le peuple ukrainien. En pleine guerre en Ukraine, l'industrie nucléaire française continue son commerce d'uranium avec Rosatom. Rosatom, une société russe qui vend de l'uranium à la France. Dans des quantités loin d'être anecdotiques. En 2022, près d'un tiers de l'uranium enrichi nécessaire au fonctionnement de nos centrales nucléaires pour une année a été importé de Russie. Aujourd'hui, l'urgence est de couper le cordon qui nous lie au régime de Vladimir Poutine et de miser sur les énergies renouvelables, la sobriété et l'efficacité énergétique. Alors, un peu plus loin, c'est Greenpeace hein, qui donne des informations. Ben oui, parce que si on attendait les chaînes de télévision officielles, ben oui, c'est parce qu'il y avait des chaînes de télévision de merde, et des radios de merde, et des journaux de merde, qu'il y a 42 ans, on a créé les premières radios libres. Oui, libres. Ah oui, radio libres. Vous rendez compte un peu? Quel culot, hein? Être libre. Oh, ça se fait pas, être libre. Oh, c'est vilain. C'est désobéissant, c'est vilain. Le gouvernement fait de vouloir réserver ses discussions sur le projet de loi de programmation énergie-climat, mais dans le même temps, il sabote en sous-main. La suppression de l'objectif de réduction nucléaire de 50% du seuil maximal de puissance issu du nucléaire, ou encore l'ajout par le gouvernement d'un objectif de décarbonation, constitue un cavalier législatif et un détournement de procédure. Il outrepasse ainsi ses droits et piétine le rôle du CESE qui aurait dû être consulté. Voilà, déclare Laura Monnier, responsable juridique de Greenpeace France. Eh oui, quand on vote mal, on est mal gouverné.